بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. T'as le livre, Abdullah? Tu l'as celui-là? Là? C'est bon? طيب. La dernière fois, on a vu une règle. C'était la première règle. Quelle est cette règle? Asma'ullah kulluha husna. Et on a cité cette règle, on l'a expliquée, et on a dit qu'il y avait quatre cas sur les noms d'Allah. Tah, Tayyib. Le premier, on a dit, c'était quoi? Yallah, on révise un petit peu. Le premier cas, vous vous souvenez ou pas? On ne va pas passer sur une règle alors qu'on n'a pas compris la première. Naam, par exemple, hein, le nom en lui-même, il est parfait. D'accord? Le nom en lui-même, il est parfait, c'est-à-dire c'est un nom hein, qui ne ramène que de la perfection, etc. On a dit, celui-là, on l'attribue à Allah, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ensuite, on a dit, naam. Ensuite, on a le deuxième, c'est quoi? Hein? L'exemple, c'est quoi l'exemple? Non, ça c'est pour le deuxième. Et le deuxième, c'est quoi alors? Non, c'est pas le contexte. Hein? Voilà. Naam. Taïb, et celui-là, qu'est-ce qu'on a dit? À titre informatif et informatif. Et on avait dit, on avait donné le mithal de quoi? De mutakallim. D'accord? Taïb. Mutakallim. Mutakallim ou fa'al. Naam. Taïb, le deuxième, c'était quoi alors le mithal qu'on avait donné? Ouais, c'était une perfection en soi-même. Ça s'entend, c'est ce qu'il a dit, Abdullah. C'est ça que t'as dit, Abdullah? Ah non, moi j'ai dit ça s'entend une perfection, mais toi il y a une imperfection, c'est le troisième. Moi c'est ce que j'ai compris de lui. Donc ça c'est le troisième. Taïb, afouane, frère. C'est le matin, c'est pas grave. Taïb, c'est le troisième. Donc celui-là, celui que tu dis. C'est une perfection, mais ça sous-entend une imperfection, un naqs. Et on avait mathal avec quoi? Avec al-mutakallim. C'était ça? Donc le troisième, c'est quoi? C'est celui yahtamilu naqsan wa kamalan. Une imperfection, une perfection. Voilà, c'est quasiment mutasawi, hein, quasiment égal. Ça sous-entend une imperfection et quoi? Et une perfection. Et celui-là? Qu'est-ce qu'on a dit? C'était quoi la règle dessus? Ouais, ça va dépendre du contexte. Et le mithal, c'était quoi qu'on avait donné? Le kaïd, le makr, etc. Hein? Voilà. C'est-à-dire, là, yani tuqayyiduhu, yani ala hasab al-siyaq. Ça veut dire que tu le remets sur son contexte. Maintenant, le makr, comme on a dit, le makr, ça peut sous-entendre quoi? Une perfection comme une imperfection. Makr, ça peut vouloir dire que c'est quelqu'un qui veut faire quelque chose de mal. D'accord? Mais si c'est dans un contexte où quelqu'un qui veut te faire du mal, hein, c'est toi à la fin qui le ruse, quelqu'un qui veut te ruser, à la fin c'est toi qui le ruse, hein, là c'est une perfection et c'est là qu'on l'attribue. Donc quand on dira est-ce que le makr thabitun lillah azza wa jal ou est-ce que le kayd thabitun lillah azza wa jal, on ne dit pas mutlaqan, oui absolument, non, on dit il est thabit, hein, on le confirme, il est thabit que si, hein, il y a bien sûr le fait qu'il y a une personne qui veut lui faire le makr ou une personne qui veut faire le kayd. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Pourquoi? Parce que ça, il y a un kamel et il y a un naqs. Nous, on va le prendre que si c'est kamel. Et on ne va jamais le prendre si c'est un naqs. Et d'ailleurs, le dernier, c'est quoi? Hein? c'est celui qui est un axe total. Et on avait mathal, hein, par exemple le dhulm, ou quoi d'autre comme mathal, on avait donné un truc. Hein? Aveugle, hein? Qui ne voit pas, aveugle, on n'avait pas donné ça. C'est dans, yani, la yara. A'ma, hein, na'am, na'am. Quoi d'autre? Non, parce que je pensais à autre chose. L'oubli, na'am. D'accord? Tout ce qui est imperfection, on ne peut pas l'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'oubli, on avait donné le mithal de l'oubli par rapport à quoi? Par rapport à, au ilm, hein, par rapport à alim, que ça avait le ma'na du fait que Allah subhanahu wa ta'ala était omniscient, qu'il avait la science absolue, subhanahu wa ta'ala. Et que le nisyan, ici le nisyan, quand Allah dit Al-yawm anansakum kama nasitum liqa' yawmikum hadha, on avait dit ici l'oubli c'était quoi? C'était dans le sens at-tark. At-tark, c'est-à-dire le fait que Allah le délaisse. Et comme dans la langue arabe, l'oubli peut sous-entendre cette chose-là, ça peut être l'oubli dans le sens hein, mémoire, d'accord? Qu'on savait quelque chose et ensuite qu'on a oublié, d'accord? Ça, celui-là, jamais tu l'attribues à Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Et que le nisyan qui est dans le Coran, celui qu'on a cité, celui-là, c'est le nisyan de quoi? De at-tark. Bima'na, hein, vous avez laissé Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vous laissera ce jour-là. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc tu dois avoir aussi un minimum de compréhension de langue arabe. Fahimtoum Yahwan? Ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. Inch'Allah ta'ala. Parce que si tu ne sais pas que Nisyan, c'est bima'na tark, tu vas faire forcément, on va dire forcément que tu as fait quoi? Que tu as fait un ta'wil. D'accord? Et ça, c'est faux. Tu n'as pas fait ta'wil. Tu n'as juste ramené que le sens. Et suivant le contexte, tu as apporté le vrai sens de la parole. Suivant le contexte. Ici, al-yawm anansakum, c'est obligé que c'est. Bima'na tark, c'est obligé. Ça ne peut pas être autre chose. Aïm tu miyakwan. Oui, c'est celui-là. C'est celui-là. Naqs mutlaqan, on a dit al-dhulm. Ou al-ama, comme le frère l'a cité, qui c'était dans le livre. Na'am. Quoi d'autre encore? Est-ce qu'on avait cité autre chose? Sur naqs mutlaq. Celui-là, même à titre informatif, on a dit tu le donnes pas. C'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, on leur reproche de dire sur Allah, est-ce qu'Allah il fait ça? Est-ce qu'Allah il fait ça? Même dans un, comment on appelle ça? Même dans un contexte de conférence, ou même d'écrit, hein, ou n'importe quoi, à partir du moment où toi, à titre informatif, tu donnes une parole qui ne s'attribue pas à Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est du sous-adab avec Allah. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Ça se dit pas. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Tu peux dire « وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا » Non, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala « نَفَى عَنْ نَفْسِهِ الظُّلْمُ » Mais tu viens et tu dis « Allah yadhlim » Non, yani ces paroles-là « Allah zalim » Ça ne faut pas le dire. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Même si c'est à titre d'interrogation. Faut éviter ces paroles-là. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Il faut éviter un maximum les paroles qui vont dire des choses sur Allah subhanahu wa ta'ala. À titre informatif, on a dit c'est interdit de le dire. Tandis que le mutakallim, al-sani', al-fa'il, al-nafi', al-dhar, tout ça à titre informatif. Al-nafi', ce n'est pas un des noms d'Allah. Al-dhar, ce n'est pas un des noms d'Allah. Pourtant, c'est trop bien que s'il y a un dharar, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, si un dharar nous touche, hein, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, on ne va pas appeler Allah subhanahu wa ta'ala avar. Abadan. Et on sait très bien que si même un mal nous touche, on l'a vu ça dans le wasitiyya, le char, il est toujours nisbi, il est toujours relatif. D'accord, hein? Pour nous, ça peut être un mal, mais en réalité, si tu regardes bien, c'est un bien. Allah ne touche que, yani Allah subhanahu wa ta'ala ne fait que du bien à ses créatures. Fahimtoum Yahwan? Bon, la première qa'ida, vous l'avez bien compris. Asma'ullah kulluha husna. On a donné les quatre ihtimalat, les quatre possibilités. Ça, tu les apprends. Falhaqiqa. Tu les apprends par cœur, tu sais qu'il y a quatre possibilités. À titre informatif, tu peux dire qu'un seul. C'est celui qui est kamel fi aslihi, qui est bon, mais qui peut sous-entendre une, quoi, une imperfection. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Sinon, tout le reste, quand c'est une perfection, khalas, tu peux la prendre. Quand c'est une imperfection totale, tu ne la prends pas. Et après, il y a ce que yahtamil an-naqs wal kamal, celui-là, ce qisme-là, tu le confirmes que s'il est dans un contexte précis. Et on a mathal avec quoi? Al-makr et quoi? Et le kaïd, etc. Khalas? C'est bien compris ça? Hein? Tadal. Oui. L'ahtimalan wala? C'est écrit où ça? وذلك لأنها متضمن للصفات الكاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. C'est traduit. Parce qu'on a dit, on a dit ni par sous-entendu. Ça ne peut pas sous-entendre une imperfection. Et là, ihtimalan, c'est impossible qu'il y ait une imperfection. Ni le, hein, c'est ça? C'est ça? Voilà, supposé. Voilà. Ni c'est, ça suppose une imperfection et ni ça sous-entend aussi une imperfection. T'as compris? C'est impossible. Quand tu vois le terme, tu dis c'est pas possible. C'est que du kamal. Tu as compris ça, Inch'Allah? J'ai compris, mais entre le 2 et le 3, le 2, le deuxième kamel sous-entend, il peut sous-entendre une imperfection, il le troisième, il a... Il a un degré un tout petit peu en dessous. C'est quel degré? Juste en dessous de celui-là, mutakallim. On a dit c'est un kamel. Quelqu'un qui parle, c'est un kamel, ça, Allah. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Allah, il dit summun, bukmun. Dans un contexte de quoi? D'imperfection. Quand Allah subhanahu wa ta'ala critique les divinités des kuffars, il dit ils ne parlent pas, ils n'entendent pas, la yasma'una shay'an wa la yaqinun, etc. Donc c'est un contexte de quoi? D'imperfection. Mais c'est un kamal de parler. De parler, c'est un kamal, d'accord avec moi? Donc ça, c'est un kamal. Mais le fait que tu peux dire des choses mauvaises ou des choses bonnes, il peut y avoir une imperfection. Ça se dit pas sur Allah subhanahu wa ta'ala que Allah ne dit que des bonnes choses. Ça, hein? Allah subhanahu wa ta'ala parle et ne dit que des bonnes choses. Mais par le fait que ça peut sous-entendre cela, c'est pas, tu le dis à titre informatif et tu ne le dis pas quoi. D'ailleurs, lui-même Allah, est-ce qu'il s'est appelé mutakallim? Non. Pourtant, à titre informatif, tu le dis ou pas? Tu le dis. T'as compris? T'as compris? Et en vérité, c'est là que tu comprends que ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas attribué comme nom, hein, même à titre informatif, il y a une hikma derrière. Et c'est là que tu vois la perfection du din. Vous avez compris, Inch'Allah? Aïmtoum hada? Et subhanallah. Sani'. Hein? Qad yasna'u shay, qad yasna'u shay. Mais sani' ici, ce n'est pas ingénieur, c'est ça, ingénieur ou créateur. Tu ne peux pas dire d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est sani' que à titre informatif et non pas. Pourquoi? Parce que qad yasna'u shay wa qad yasna'u shay. Fahimtoum ya khwan? Voilà, c'est ça. C'est une daraja qui est juste en dessous. Fahimtoum? C'est bon, elle a bien compris cette qa'ida. On peut passer sur une autre. Hein, on peut passer à une autre qa'ida. Taïb. Celle-là, je vous demande de bien vous concentrer. Celle-là, il y a un petit peu de philosophie là-dedans. Hein? Elle met le kalam, il commence là. طيب دي القاعدة الثانية أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف عبد الله تسوي après tu lis إن شاء الله طيب أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف أعلام باعتبار دلالتها على الذات وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني وهي باعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى ولكن معنى الحي غير معنى العليم ومعنى العليم غير معنى القدير وهكذا. لي cette partie là عبد الله حسين. طيب des noms propres et des regardez أعلام c'est les noms propres comme ça on va éviter de le traduire à chaque fois. أعلام c'est quoi? Des noms propres. مفهوم؟ Et أوصاف c'est quoi? Des descriptions. أوصاف c'est des descriptions. Vous avez compris ça, Inch'Allah? C'est des noms propres et des descriptions. C'est ça la règle. Retiens-la. Retiens cette règle. Asma'ullah, a'lamun wa awsaf. Pourquoi? Parce que tout ce qui va en découler, hein, il va y avoir une petite philosophie là, qui va en découler, Inch'Allah. Mais Inch'Allah, tu vas la comprendre avec ce que dit Cheikh ici. Tayyib. Alors pourquoi il vous parle de ça? Parce que justement, les Mubtadi'a, ils ont philosophé sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit que certains d'entre eux attribuent le nom sans la description, sans la sifa, sans halala. Et vous verrez que d'autres, ils ont dit que c'est synonyme dans le sens où ce n'est pas un être. Ce n'est pas un seul être. Et que si on donne des descriptions, forcément ces descriptions-là prouvent qu'il y a ou qu'il y a eu d'autres dieux. Astaghfirullah al-Azim. Ils sont partis dire jusque ça. C'est-à-dire que si tu dis « Alim », hein, ça veut dire forcément que tu as ce qu'on appelle un « Arav ». « Arav », c'est une description que tu vas donner que à un corps. Attention, je ne parle pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allah an hadha. Hein? Que à un corps. Et donc, si tu donnes ça, forcément, tu as dit qu'il y avait d'autres créatures avec Allah. Au moment où il a été, où Allah subhanahu wa ta'ala a existé avec des créatures. À la kulli hal, c'est une falsafa. On ne va pas trop rentrer dedans. Moi, tout ce que je peux vous dire ici, c'est que la qaïda, elle est simple. Et d'ailleurs, il va en parler, cher, sur Ta'addud al-Qudama. La qaïda, ici, elle est simple. Elle parle et elle dit une chose. C'est des noms propres et des descriptions. C'est des noms propres et des descriptions. Et on va voir le lien que peut avoir le nom propre avec sa description. En comprenant ce lien-là, ces liens-là, tu vas comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, forcément, s'il s'appelle Al-Karim, c'est qu'il est Karim. Forcément, s'il s'appelle Al-Basir, c'est qu'il est Basir. Vous avez compris? Pas comme l'être humain. L'être humain, il peut s'appeler Karim. Mais il n'est pas Karim. C'est peut-être Abkhal al-Nas. C'est peut-être le plus bakhil. Il peut s'appeler Abdullah et lui, c'est Abd Shaytan. Hein? Vous avez compris? Donc, c'est des noms propres, mais limites qui ne veulent rien dire chez l'être humain, sauf chez Allah et chez qui? Et chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Chez Allah et qui? Et chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on l'a appelé Muhammad li kathrati tahamudihi. Parce qu'il était énormément loué, le prophète alayhi salatu wa sallam. On l'a appelé Al-Mahi, celui qui efface, qui a effacé le kufr. Ahmad, parce que c'est celui qui kan yahmud kathiran. Ou kan Ahmad al-Nas, c'est le plus loué de tous les gens. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc, sur Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est des noms propres et des descriptions. Sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est des noms propres et des descriptions. Mais sur le reste des créatures, etc., ça peut être un nom, mais qui n'a pas forcément là l'attribut qui va avec. Vous avez compris ça, inshallah? C'est pour ça qu'il dit Asma'ullahi a'lamun awsaf. Donc on va dire ici, comme il dit, ce sont des noms propres du fait qu'il désigne un être. D'accord? Et ce sont des qualificatifs du fait des significations qu'il dénote. Dans le cas du nom propre, les noms d'Allah sont synonymes. Qu'est-ce que ça veut dire, ils sont synonymes? Est-ce que ça veut dire que tel nom égale tel nom, c'est juste une ma'na différente? Non, ça ne veut pas dire ça. Vous avez compris? Ils veulent définir le fait qu'il y a un seul être, et qui est Allah subhanahu wa ta'ala, Taïb, mais qui indique le même nommé, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris ça, inshallah? Taïb. Ensuite, il dit, ici, Cheikh Al-Uthaymin, dans l'explication, il dit Asma'ullah, Asma'u ghayrullah, fayya a'lamun faqat. Ça, c'est dans l'explication. Il te dit les noms d'Allah, les noms qui ne sont pas plutôt les noms d'Allah, les autres noms propres. Qad yatasamma ahadun nas, Abdullah, bi'abdillah, il peut s'appeler Abdullah, mais il fait partie des plus grands kuffars. Pourtant, il s'appelle serviteur d'Allah. Hein? On a même la tête des munafiqin, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, hein, qui, la tête des munafiqin, qui s'appelait comment? Qui s'appelait Abdullah. Tayyib, Ali, ou alors Hakim, alors que Hakim, des fois tu peux appeler quelqu'un Hakim, et il n'est pas Hakim du tout, hein, il n'est pas sage du tout. Donc ça, c'est des noms propres, qui sont donnés à qui? Qui sont donnés à des êtres humains, d'accord? Mais ils ne sont pas dotés de ce qu'incombe ce nom propre. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Tandis qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, non. Allah, subhanahu wa ta'ala, ou le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? Obligatoirement, tu dois lui donner le nom propre, lui attribuer ce nom propre-là, et quoi? Et ça, et sa description. Et pour bien comprendre ce lien qui existe entre les kalimates, entre les paroles, Cheikh nous dit que deux termes peuvent avoir plusieurs liens dans la langue arabe. Ils peuvent avoir plusieurs liens dans la langue arabe. C'est ce qu'on appelle al-alaqatu bayna al-ashiya. À partir du moment où toi tu comprends cela, al-alaqatu bayna al-ashiya, le lien qu'il y a entre les noms, na'am, tu vas comprendre directement ce que veut dire Cheikh ici, et tu vas comprendre également ce que les philosophes, l'erreur des philosophes, ou l'erreur des gens qui sont rentrés dans la philosophie des termes et des noms. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Vous avez compris? Donc, en comprenant ce que je vais vous dire là maintenant, Inch'Allah ta'ala, l'affaire, elle est classée, normalement, Inch'Allah ta'ala. L'affaire, elle sera classée. Taïb, il te dit, « I'lam anna al-kalimatayni, imma an takuna mutabayinatayni, aw mutaradifatayni, ou مشتركتين ou بينهما عموم وخصوص. Ça vous le verrez dans le charh ici, c'est page 41. Il dit, j'ai passé les autres trucs parce que ça vous avez compris. Je ne veux pas vous répéter à chaque fois. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on dit qu'il est Sami', qu'il est Basir, on sait qu'on parle de quoi? D'un seul être. Sahlala. Est-ce qu'on a besoin de dire non, si tu dis qu'il est Sami', forcément c'est qu'il y a eu d'autres êtres, ta'adud al-aliha, comme on va le voir, inshallah. Non, on a compris que ça revenait à un seul être. On n'a pas besoin de penser qu'il y a plusieurs êtres. Tu ne peux pas penser ça. Ce n'est pas à chaque nom que tu vas donner un être. De toute façon, Allah, il est quoi? Qul huwallahu ahad. Donc, ils sont partis penser, les philosophes, dire que si tu dis qu'il y a plusieurs noms, c'est qu'il y a plusieurs êtres. Et qu'il y a plusieurs dieux. Franchement, c'est un aql, ça. Ils ont besoin d'un aql. Eux-mêmes, ils acceptent que l'être humain peut avoir plusieurs quoi? Plusieurs attributs. Il peut être doté de plusieurs qualités. C'est vrai, c'est faux. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne serait pas un être qui a plusieurs attributs? Pourquoi directement dire que c'est plusieurs parties différentes ou plusieurs êtres différents. Astaghfirullah al-Azim. Vous vous rendez compte qu'est-ce que ça peut mener, là, la philosophie? Et de ce fait-là, ils ont renié les noms et les attributs. Ils n'ont donné que les noms propres, sans quoi? Sans la ma'na. Vous avez compris? Ils ont donné le nom propre sans la ma'na. Vous avez compris? Taïb, on revient. Donc, sur la alaqa, le lien qu'il y a entre les kalimates. Le premier, on a dit, mutabayyanatayn. Mutabayyanatayn, na'am. Le premier, on va prendre quoi? Na'am, antakuna mutabayyanatayn. C'est-à-dire qu'ils sont différents. Ma idha nusiba ahadu shay'ayn ila al-akhar lam yasduq ahaduhuma ala shay' mimma yasduq alayhi al-akhar. Yani c'est deux choses complètement différentes. D'accord? Ça, il y a deux kalimates, d'accord? Celle-là n'est pas égale à celle-là. C'est ça que ça veut dire. Celle-là n'est pas égale à celle-là. Par exemple, le riz, est-ce que c'est la même chose que le blé? Non, khalas. Tu sais ce qu'est le riz et tu sais ce qu'est le blé. Il faut mieux croire. Voilà le lien qui existe entre deux paroles. Deux paroles. Tu prends deux paroles. Le riz, est-ce que c'est la même chose qu'une voiture? Non. Ça, on est obligé de rentrer dans ça. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre plus tard. Donc, deux paroles qui n'ont pas le même sens, d'accord? Elles n'ont pas du tout le même sens. Et chacune prouve une entité, prouve une chose unique. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc, il te dit al-qamh wal-urus. Al-qamh ghayr al-urus. Le riz n'est pas le blé n'est pas le riz. Donc, c'est ce qu'on appelle mutabayin. C'est différent. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Taïb. Ça, c'est le premier. Le deuxième, mutaradifatayn. Al-kalimatan mutaradifatayn. Synonymes. Elles sont quoi? Elles sont synonymes. Litaradufihima ala ma'nan wahed. Kama yataradafu shay ba'duhu ala ba'd. Mithel, là, elles sont synonymes. Synonymes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se joignent sur une seule ma'na. Vous suivez? Et c'est là, Cheikh, lorsqu'il te dit qu'ils sont synonymes dans le sens où ça revient à qualifier un seul être qui est qui? Qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans ce sens-là que tu veux dire que c'est synonyme. C'est pas dans le sens où tel nom est égal à tel nom. Tel nom est égal à tel nom. Faut pas faire cette erreur, les frères. Chaque nom, on a dit, il a son ma'na. C'est vrai, c'est faux. Ça veut pas dire que tel nom est égal à tel nom, etc. Non. Dans le sens synonyme ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il qualifie un seul être. Bi'tibar hada. Vous avez compris, Inch'Allah, c'est ce qu'il a dit ici, Cheikh, dans le charh. Donc, qu'est-ce que le synonyme ici? Al-qamh, le blé. Tu peux l'appeler aussi al-burr. Et tu peux l'appeler aussi al-hanta. Ça, là. Il a différents noms, mais quoi? Mais son sens est un seul. Vous avez compris, Inch'Allah? Ça, c'est donc ce qu'on appelle at-taraduf. Le synonyme. At-taraduf. Par exemple, insan. Tu peux dire insan, mais tu peux dire aussi bachar. Ça, c'est un synonyme. Halfi ishkal, pas ishkal. Donc, ça, c'est le deuxième lien que peut avoir deux paroles. D'accord? Deux paroles. Tu prends deux paroles. Si je prends insan et si je prends bachar, est-ce que ça a le même sens? Ça a le même sens. Est-ce qu'elles sont différentes? Elles ne sont pas différentes. Elles sont différentes dans le sens où quoi? Quand tu l'écris, c'est tout. Mais sinon, est-ce qu'elles sont... Elles prouvent la même chose? Elles prouvent la même chose ou pas? Elles prouvent la même chose. Ça, c'est le deuxième qism. Le troisième qism, c'est ce qu'on appelle al-kalima al-mushtarika. Al-mushtaraka. Al-kalima al-mushtaraka. Al-kalima al-mushtaraka. Qu'est-ce que le mushtaraka? C'est une parole qui veut dire plusieurs choses. Elle a un lafz, mais ce lafz-là peut vouloir dire plusieurs choses. Exemple. Al-Ayn. Vous connaissez ce terme-là en arabe, Al-Ayn? Al-Ayn. Al-Ayn, ça peut être quoi? Ça peut être l'œil, ça. Ça peut être quoi aussi? Ça peut être l'espion. En arabe. Ça peut être également l'ayn, la source. Hein, l'ayn, la source. Naam. Al-ayn tutlaqu العين على الجارحة. العين c'est quoi? Ça peut être ce membre là, l'œil. D'accord? Ça peut être également عين الماء. الماء la source. D'accord? La source d'eau. نعم. Ça peut être également العين, ça peut être également le ذهب, l'or. D'accord? Ça peut être également quoi? Ça peut être l'or. Ça peut être également al-jassous, l'espion. Donc suivant le contexte, si je dis par exemple ba'athtu 'aynan ila al-jaysh. J'ai envoyé un 'aynan, j'ai envoyé un 'ayn, un œil ou ça à telle armée. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Espion. Ra'aytu bi'ayni. J'ai vu avec mes yeux, parce que j'ai utilisé quoi? Le terme ra'aytu. Donc forcément ici, le aïn veut dire quoi? Hein? Veut dire que c'est l'œil. C'est suivant le contexte. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc aïn ici, c'est une seule kalima, mais qui peut avoir plusieurs sens. C'est ce qu'on appelle al-kalima al-mushtaraka. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Taïb. Le quatrième, c'est al-umum wal-khusus. C'est qu'il y a un sens général et un sens particulier. D'accord? Il y a un sens général, il y a quoi? Il y a un sens particulier. وَإِحْدَى الْكَلِمَتَيْنِ أَخَصُّ مِنَ الْأُخْرَى. Mais il y a une des deux paroles qui est plus particulière que l'autre. Il y a donc une généralité. Et il y a quoi? Il y a un khusus. Et ça, on va l'expliquer. Par exemple, tu as insan et hayawan. Insan, qui est l'être humain. Et le hayawan, qui est l'animal. D'accord? Al-insan, on l'appelle être humain, c'est khas. C'est un être humain, d'accord? On sait c'est qui l'être humain, c'est le fils d'Adam, qui est connu de tout le monde. Wa kalimatesh hayawan, mais la parole qui dit animal, ça c'est am. Ça c'est quoi? Ça c'est général. Fal hayawan yashmalu al-insan wa ghayruhu. Si tu prends le terme animal hayawan, il peut même englober l'insan. Il rentre dans le fait que c'est un animal, ou un mammifère, ou un animal, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais al-muhim, il rentre dans ce terme-là, dans le hayawan, parce que c'est un être qui vit. Vous avez compris ça, Inch'Allah, parce qu'en arabe, hayawan, c'est aussi l'être vivant. D'accord? Vous avez compris ça, Inch'Allah? Taïb. Donc, hayawan, il rentre dans quoi? Ou plutôt, l'insan, il rentre dans quoi? Il rentre dans hayawan. Et c'est pour ça que certains philosophes disaient que al-hayawan, ou plutôt al-insan, hayawanun natiq. Ils disaient que c'était quoi? Un hayawan, un animal qui parle. Vous avez compris? Ils disaient que c'était un animal qui parle. Et les philosophes utilisaient ce terme-là. Vous avez bien compris ça, Inch'Allah? Taïb. Donc on a un sens général. Ils se rejoignent sur quoi? Sur le fait qu'il y a une vie. D'accord? Entre les deux, et que insan c'est plus général que quoi? Plutôt c'est plus particulier que hayawan. Et quand est-ce qu'on va dire que kalimat hayawan n'a rien à voir avec insan? C'est lorsque tu vas dire tout simplement hayawan. Si tu rajoutes natiq, tu sais qu'il part de al-insan. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc il y a un umum et il y a un khusus, général et particulier. D'accord? Il y a un lien entre les deux. Mais ce lien, c'est juste par le fait que lorsque tu vas dire il est natiq, c'est un hayawan natiq, c'est un insan. Mais si tu ne dis pas que c'est un natiq, c'est-à-dire qu'il ne parle pas, forcément, tout être humain est un quoi? Est un hayawan. Est un animal, dans ce sens-là. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Taïb. Donc voilà l'alaqa, voilà les liens qu'il y a entre quoi? Qu'il y a entre les mots. Tu prends deux paroles, et ça, les frères, ça, c'est des règles qu'il faut apprendre. C'est des règles qu'il faut apprendre. Tu prends deux paroles dans la langue arabe. Soit, elle est quoi? Hein? Le premier, c'est quoi? Mutabayin. Ça n'est pas égal à ça. D'accord? Taïb. Soit elle est mutaradifa, synonyme. D'accord? Ils ont deux noms, mais en vérité, c'est pour la même chose. Vous avez compris, Inch'Allah? Deux noms pour la même chose. Ou soit mushtaraka. Mushtaraka, on a dit, c'était quoi? C'était un seul nom pour plusieurs choses. Le contraire, là. C'est un seul nom pour quoi? Pour plusieurs choses. Et on a mathal avec quoi? Avec l'aïn. Ça, là. Taïb. Et le quatrième, c'est quoi? Al-umum wal-khusus. Un sens général et un sens particulier. En comprenant ce lien, ces liens, l'alaqat ben l'ashia, en comprenant ça, tu vas comprendre énormément de choses. Pourquoi? Parce que quand on va te donner un ta'rif, quand on va te donner une définition, tu vas savoir directement si telle chose est synonyme de telle chose. Tu vas savoir directement si telle chose n'est pas égale à telle chose. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Si aujourd'hui je te dis le riz, tu sais c'est quoi le riz? Si je te dis est-ce que le riz est égal au blé, tu vas me dire non, je sais ce que c'est le riz, je sais ce que c'est. Pourquoi? Parce que tu sais, tu as déjà un tasawwur de telle chose. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Ça, c'est important de savoir ça. Pourquoi? Parce que vous allez voir plus tard, quand Shir va parler, il va utiliser des termes, et ces termes-là, il faut les connaître. Pourquoi? Pour mieux comprendre la science des noms et des attributs. Taïb, il dit ensuite. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم وقوله وربك الغفور ذو الرحمة فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم ولا سميع إلا لمن له سمع ولا بصير إلا لمن له بصر وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. طيب لي عبد الله cette partie là. Quand il dit وإنما قلنا sur le la règle 2. Cela dit, le sens. Nous avons dit que les noms d'Allah sont à la fois des noms propres et des descriptions, parce que cela est indiqué par le Coran, où Allah les a dédiés. Attendez, alors là, il ramène cette règle-là, et il dit parce qu'Allah a dit dans le Coran. Donc il y a encore un dalil dans quoi? Dans le Coran. Chaque règle, il ramène un dalil du Coran. D'accord, ça faut bien comprendre. Shir, ce n'est pas des règles qu'il est en train d'inventer. Haja, Shir est en train de ramener des règles qui viennent du Coran. Et c'est en lisant le Coran et en méditant sur le Coran que tu comprends pourquoi Shir ramène cette règle-là. D'accord, vous avez compris ça, Inch'Allah? Oui. Donc si quelqu'un il te pose la question, il te dit c'est quoi le dalil que les noms d'Allah sont des a'lam et des awsaf? On dit le dalil c'est quoi? C'est le Coran. Bien sûr. Chaque chose, tu dois lui donner quoi? Son dalil. Et toi tu dis c'est le Coran. C'est le Coran. Et Shir ici te cite, te cite le dalil. Et dans la Loura, وَرَبُّكَ ذُو الرَّحْمَةِ ذُو الرَّحْمَةِ, ça veut dire celui qui détend la rahma, qui a la rahma, صح ولا لا? Il te dit وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, ça c'est une sifa. D'accord? Il te dit إِذَنْ الرَّحِيم مَعْنَاهُ ذُو الرَّحْمَةِ, donc forcément الرَّحِيم c'est celui qui a la rahma, puisque tu dis وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, donc الرَّحِيم c'est celui qui a la rahma. طيب وَأَمَّا فِي اللُّغَة, lorsqu'on regarde d'un point de vue linguistique, c'est-à-dire d'un point de vue de langue arabe, il n'est pas possible, il est inconscient de dire que ces mots-là sont des mots sans sens. Et ça, c'est grave de dire ça. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu disais que le Coran manquait de sens. Pourquoi Allah il va utiliser un mot si c'est pour pas vouloir le sens de ce mot-là? Vous avez compris ça, Inch'Allah? Et le Mu'tazila, ils ont dit non. Ils ont dit Rahim bila Rahma. Sami' bila Sam'a. Basir bila Basar. Pourquoi? Parce que si on l'athbète, on a. Si. Ida athbatna hadihi l'asma, Si on donne ces noms-là, ça veut dire qu'on l'a fait, on l'a fait ressembler à qui ? Aux créatures. Ça, on leur dit, ça, c'est dans votre, hein, c'est dans votre conscience à vous, hein, qui n'est pas une conscience d'ailleurs. C'est une folie là-dedans. Ça, c'est vous qui dites ça. Nous, Ahl Sunna, on ne dit pas ces choses-là. Nous, Ahl Sunna, on dit, laissez qu'à mitlihi shay, oh, sami al-basir. Dit, mais si vous dites ça, vous l'avez fait ressembler aux mawjoudat. Aux mawjoudat, c'est-à-dire aux choses qui ont été créées. Il dit, d'accord. Mais si, regardez ensuite Ahl Sunna, qu'est-ce qu'ils leur ont dit. Ahl Sunna leur dit, d'accord, on enlève. On enlève le sens, mais ça, bien sûr, c'est dans le niqash. On enlève le sens. Ils ont dit, bah oui, il faut enlever le sens, on n'a pas le choix. Ah, on enlève le sens, d'accord. Et bien, si on enlève le sens, on va le faire ressembler à quoi ? Au ma'doumat. Au ma'doumat, c'est-à-dire les choses qui sont inexistantes. Hein, les choses qui sont inexistantes. Ça, parce que regardez, ils tombent dans une erreur, forcément, ils tombent dans une autre. Si vous dites qu'il ne faut pas le faire ressembler aux choses existantes, d'accord ? Et bien, forcément, on va le faire ressembler à des choses qui sont inexistantes. Puisque vous dites que c'est un nom, mais qui n'a pas son attribut. Vous avez compris, Inch'Allah ? Vous avez compris ? Taïb, et là ils te disent, ah non, non, non, il ne faut pas. Il ne faut pas le faire ressembler à des choses qui sont inexistantes. Taïb, alors là vous avez fait pire. Nous, ensuite on leur dit, ah non, là on ne comprend plus rien. Là vous l'avez fait ressembler, vous avez fait ressembler Allah à qui ? Ou à quoi ? À des mustahilat, à des choses qui sont impossibles. Parce que la chose, soit elle existe, soit elle n'existe pas. Regardez la philosophie. La chose, soit elle existe, soit elle n'existe pas. Donc, soit vous la faites ressembler à une chose qui existe. Dans quel sens ? L'existence à Allah est propre à lui-même. D'accord ? Et l'existence de la créature est propre à lui-même. Sahulala, toi tu existes, mais ton existence n'est pas la même que celle d'Allah ou celle d'un autre être. D'accord avec moi ? Ça, si on est capable d'admettre ça, donc on est capable de donner des attributs à Allah subhanahu wa ta'ala qui lui sont propres à lui-même. Vous avez compris, Inch'Allah ? Parce qu'ils sont obligés de rentrer dans ça. S'ils te disent, voilà, moi je ne le fais pas ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala à des choses existantes, forcément ils tombent dans quoi ? Dans des choses qui sont inexistantes. Vous avez compris ? Et là on lui dit, ah, regarde, là toi-même tu t'es piégé. Et là c'est pire de le faire ressembler à des choses quoi, qui sont inexistante. Il te dit non, non, non, non. Là, khalas, lui, il ne sait plus quoi faire. En fait, khalas, il est dans une impasse. Il dit, ouais, mais si je dis ça, je tombe dans ça. Si je dis ça, je tombe dans ça. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Il dit, tu te tais. Tu dis, l'ilm indallah. Et oui, ça, c'est vrai. Al-mufawwidha, c'est une secte qui ont dit quoi ? Qui ont dit, on ne sait pas, on ne connaît pas le sens. Il ne faut même pas parler de ça. Ça n'a pas de sens. Vous avez compris ? Ça, c'est le mufawwidha. Alors, eux, en réalité, on leur dit quoi ? Au Mufawwidha, qu'est-ce qu'on leur dit ? On leur dit, vous avez fait ressembler Allah subhanahu wa ta'ala quoi ? À des choses à une chose qui est impossible. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? C'est soit la chose, elle existe, soit elle n'existe pas, soit c'est du impossible. Ça, oh là là, c'est vrai ou c'est faux ? C'est pour ça que quand tu parles avec eux, ils te disent, Allah est partout et nulle part. Yajma'u bayna an-naqidayn. Hein ? Il rassemble les deux choses contradictoires. Deux choses contradictoires, il les rassemble en Allah existe, mais en même temps, il n'existe pas. Mais c'est quoi ça ? Subhanallah al-Azim. Adib, lui, il existe, un être humain, mais un miskin, un être humain qui a été créé, lui, il existe. Mais lui, il ne veut pas qu'Allah existe. Il te dit, il existe et en même temps, il n'existe pas. Chouf. Hein ? Il est partout, il est nulle part. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Qu'est-ce que ça ? Ça, le partout et le nulle part, tu peux te l'imaginer où ? Hein ? Que dans ton esprit. C'est vrai ou c'est faux ? Mais est-ce que maintenant, ce qu'on imagine dans notre esprit, est-ce qu'il est possible, hein, qu'on sorte tout ce qu'il y a dans notre esprit, on peut l'imaginer et qui existe en soi-même ? Est-ce que c'est possible ça ? C'est pas possible. Parce que l'esprit peut imaginer quoi ? L'impossible. C'est vrai ou c'est faux ? Notre esprit peut imaginer l'impossible. Mais maintenant, en dehors de notre esprit, est-ce qu'on peut imaginer qu'un être peut être à la fois existant et inexistant ? Ou partout et nulle part ? Est-ce qu'on peut imaginer ça ? C'est-à-dire, haqiqatan, en réalité, est-ce que ça peut exister ? Non. Dans ton esprit, oui. Les ulama, ils disent, dans ton esprit, tu peux te l'imaginer. Mais en dehors de ton esprit, est-ce que tu peux te l'imaginer ? Non, khalas, c'est de la falsafa, ça. Et c'est pour ça que vous verrez, les philosophes, à la fin, ils deviennent fous. Wallahi, à la fin, ils deviennent fous. J'en ai vu un il n'y a pas longtemps, là, qui écrit des livres, d'ailleurs. Hein, tu le vois, il parle, il crise, il est là comme ça, il écrit des mots. Hein, je sais pas si vous l'avez vu, là, à la télé, il n'y a pas longtemps. Il s'est même énervé. Hein. Pas citer son nom, ça sert à rien. Surtout, le Tahir Hadha al-Majid min Ismihi. Hein, on purifie la mosquée de son nom. Mais c'était un philosophe. Il parlait, il était comme ça, il écrivait. C'est, pourquoi? Parce qu'il est trop rentré dans ilm al-kalam. Quand tu rentres trop dans cette science-là, à la fin, ici, là, il n'y a plus d'aql. Na'oudhu billah. Qu'Allah nous en préserve. Et c'est pour ça qu'il y en a qui sont rentrés dans la philosophie et qui ont dit, et ça c'est dans Aqidat Tahawiyya, il dit, je suis tellement rentré dans cette science qu'à un moment, j'ai douté sur l'existence d'Allah. Et je n'ai pas prié pendant 40 jours. Regardez, pourquoi? Parce qu'il est rentré dans quoi? Dans la rhétorique, la logique, la rhétorique. C'est une gymnastique. Mais à la fin, qu'il l'a fait quoi? Qu'il lui a fait oublier les textes et les choses logiques et les choses hein, qu'on voit et qu'on arrive à, alhamdoulilah, à admettre, même le bédouin hein, arrive à admettre, d'accord? Que, et c'est pour ça que même certains ont dit, j'aurais voulu mourir sur la aqida, sur la croyance de qui? De Ajaiz Naysabur, c'est-à-dire sur la aqida des vieilles de Naysabur. Naysabur, c'est vers le Caucase, c'est là où était l'imam musulman. D'accord? J'aurais préféré mourir sur cette aqida-là que la aqida de ces gens, des falasifa, etc., etc. Subhanallah. Pourquoi? Parce que c'est la fitra. Vous avez compris? La fitra, t'as pas besoin d'être un savant pour savoir qu'Allah existe. Sahulala. Ce monde aussi bien géré, ce monde aussi bien fait, ne peut être, derrière cela, il ne peut avoir que un créateur alimun, qadirun, khabir. Sahulala. Taïb. Donc vous avez compris l'alaqa baynesh, bayn al-asma, vous avez compris ça. Ça c'est très important, ce que je vous ai dit là, les quatre choses, ça vous les retenez. Et en vérité, un professeur nous les avait expliqués avec quoi? Avec des ronds. Il nous avait dit, regardez, la première c'est quoi? C'est tabayyun, sah. Il a dit là c'est un rond, et là c'est un rond. Et au milieu il y a quoi? Il y a, on va dire, le signe égal, et avec un trait. Ça n'est pas égal à ça, vous avez compris? Ensuite c'est quoi? Taradouf. Hop, les deux ronds ensemble. Vous avez compris? Taïb, ensuite c'est quoi? Hein? Al-Mushtaraka. Naam. Al-Mushtaraka, c'est un rond où tu mets sur le rond le même trait. Vous avez compris? Yani le rond veut dire. Non, c'était quoi? Comment il avait fait déjà? Naam, le rond, en fait, il avait fait un rond comme ça et il avait mis plusieurs noms. Vous avez compris? Ma'ana al-Ain, d'accord? Et ensuite, tu mets plusieurs traits pour montrer que telle chose revient à telle chose. D'accord? Suivant le contexte, tu vas utiliser le terme. Et ensuite, le dernier, c'est quoi? Al-Umum al-Khusus. Alors, le Umum al-Khusus, regardez comment il a fait. Il a fait un rond comme ça et un rond comme ça. Vous avez compris? Il a rentré deux ronds comme ça. D'accord? Et il y a un petit. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait comme ça. Vous avez compris? Donc, ici, tu as quoi? Tu as insan et quoi? Et hayawan. D'accord? Hayawan, c'est au milieu. D'accord? Hayawan, c'est au milieu. Insan, c'est à droite, par exemple. Et hayawan, c'est à droite. Non, afwan. C'est à gauche. Et insan, c'est quoi? C'est à droite. C'est quoi qui lie la chose entre les deux? C'est quoi le lien qu'il y a entre les deux? Hein? C'est le fait qu'il est. C'est le hayat. Hein? C'est le fait qu'il est. Mais. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas ce rond-là. Afwan, les frères. Non, c'est insan. Comme ça, c'est un rond. D'accord? Ça, c'est encore un autre rond. Hein? Il y en a encore un autre. En fait, il y a insan. Tayeb. Voilà. Insan, il est là. Et hayawan, il est. Il est là. Vous avez compris, Inch'Allah? Hein, celui-là, il est a'am min ish min hada. Vous avez compris ça, Inch'Allah? A'la kulli hal, de toute façon, à partir du moment où toi tu comprends ces choses-là, khalas, c'est bon. Hein, ce qui lie entre l'insan et le hayawan, c'est quoi? C'est le fait que il y a le hayat baynahuma et que hada yakhtas bi kawnihi annahu natiq et celui-là n'est pas natiq. Donc tout ce qui n'est pas natiq et qui est hayawan, c'est un hayawan. Mais tout ce qui est hayawan ou natiq, c'est un insan. Mais bon, ce terme-là de dire Al-Insan Hayawan Natiq, c'est-à-dire c'est un animal qui parle, ça, Cheikh l'Islam, Cheikh l'Uthaymin dit, il faut éviter de dire ça. Il faut éviter de dire ça. Car l'insan, ce n'est pas un animal qui parle simplement comme ça. C'est plus un terme qui a été utilisé par les philosophes. D'accord? Regardez, tellement c'est des règles et tellement c'est des guerres dans les termes et dans les terminologies, ben en fait, ils vont jusqu'à dénigrer l'être humain de cette manière-là. On a un animal qui parle maintenant. Allahu musta'an. Vous avez compris? Pour eux, c'est dénigrer l'être humain. Vous avez compris, Inch'Allah. Donc, ils te disent, les ulama, il faut éviter même d'utiliser leur lexique, leur propre lexique. Nous, on l'utilise, pourquoi? Afin de comprendre ce qu'ils veulent dire. Et on ne le dit pas et on ne l'admet pas, cette chose-là. Vous avez compris? Oui. Ensuite, il dit, donc, Ahlul-Lura, les gens de la langue, les Arabes, donc lorsqu'ils utilisaient As-Sami' ou lorsqu'ils utilisaient Al-Basir ou tous ces termes-là, bien sûr, ils ont voulu le sens. Hein? Et un mot qui n'a pas de sens, ça ne sert à rien qu'il soit même cité ou dit. Wa bihadha ulima dhalalu man salabu asma' Allah ta'ala ma'aniyaha min ahli at-ta'tili wa qalu inna Allah ta'ala sami'un bila sam' بصير بلا بصر عزيز بلا عزة وهكذا عللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل وعلى على بطلانها. اقرأ يا عبد الله. qui ont dépouillé le nom d'Allah de leur sens. C'est un égarement. À partir du moment où on vous a dit que les termes, que les noms et les alaqa bin ashiya sont du nombre de 4, hein, obligatoirement, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a un sens. Vous avez compris ça, Inch'Allah? À partir de ce moment-là, on dit que le nom d'Allah, il a un sens. Eux, ils ont dépouillé ce sens-là, les noms d'Allah, de leur sens. Et ensuite, at-ta'til, les négateurs. At-ta'til, hein, ça vient de atala shay. Allah utilise le terme bir'in mu'attala. Mu'attala, c'est-à-dire un puits qui est tari, un puits qui n'a plus d'eau. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Un puits qui n'a plus d'eau. Un puits, bir mu'attal, ta'til, c'est quoi? C'est enlever et dépouiller la chose, hein, le sens du terme. Vous avez compris ça, Inch'Allah? En tout cas, pour les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est enlever le sens. Enlever le sens et enlever, na'am, tout ce que peut accomplir ce terme-là. Fahimtoum Yaqwan? Taïb, c'est ça, et ça on les appelle at-ta'til. Et at-ta'til, il y a le ta'til majeur des Jahmiya, d'accord, les Jahmites, et il y a le ta'til juz'i, partiel. Ça on va le voir. Mais vous pouvez, Inch'Allah, le noter là-bas. Ta'til majeur, c'est celui des Jahmiya. Eux ne reconnaissent pas les noms, les sifat, ala kulli hal, haoula. On va en parler, Inch'Allah. Et le ta'til partiel, hein, ça c'est l'Asha'ira. L'Asha'ira et d'autres sectes qui leur ressemblent, le Maturidiya et toutes ces sectes-là. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Ça, c'est ce qu'on appelle at-ta'til. Donc les premiers, les Jahmiya, beaucoup de ulama les ont jugés apostats, ils sont sortis de l'islam, Jahmiya. Wahada huwa sahih, c'est que le Jahmiya ne sont pas muslimines. Taïb. Et l'Asha'ira, non. L'Asha'ira, ils sont dans la bid'a. Pourquoi? Parce qu'ils ont des ta'wilat, ils ont des interprétations également, et leur qawl n'est pas arrivé. Ils ont retalef, quand même. Ils ont quand même divergé si c'était des musulmans ou pas, l'Asha'ira. Mais beaucoup de ulama voient que c'est quand même des musulmans. Hein, et, non, ils ont quand même retalef. Hein. Ils ont quand même retalef sur l'Asha'ira. Parce que leur parole, c'est grave. Si à la fin la parole d'Allah n'est pas la parole d'Allah, à la fin Allah n'est pas au-dessus de son trône, à la fin la finalité de leur terme, de leur parole, c'est grave. Ils se rejoignent avec les Asha'ira, la finalité. Mais le fait qu'ils sont passés par énormément d'interprétations des textes, c'est ça qui a fait que Al-Sunan était plus ou moins indulgents avec eux, malgré que certains ont chedded et ils ont sorti également de l'islam. Vous avez compris ça, Inch'Allah? طيب, donc il y a le ta'til qui est âme, il y a le ta'til qui est khas. Fahimtum hadha, ikhwan? Ouais, le ta'til, c'est la négation. Ah, c'est la négation. L'âme et le khas. طيب, c'est le neuf. Non, ensuite, il dit. Hein? Non, Moustahane. Puissance en puissance. C'est Adib, ça. Adib, regardez leurs paroles. Et ensuite, il dit. Par le fait qu'en affirmant les attributs, cela implique une pluralité divine. Une pluralité. Justification est défectueuse. Voire donc, par le fait que le Coran et la Sunna, ainsi que la raison humaine, confirment sa caducité. Une pluralité divine, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs dieux. Voilà, illa tayyib. Il te dit, et cette illa, c'est-à-dire cette illa, cette raison, cette cause qui ont ramené ici, elle est, comment il a dit, elle est morte, c'est ça? Cette justification est défectueuse, voire morte. Pourquoi? Parce qu'elle vient de, elle vient d'un aql, elle vient d'une raison qui a été polluée par quoi? Par la philosophie. Elle était polluée par cela, par ilm al-kalam. Et il te dit que le Qur'an, as-sam'a, quand on dit dalil as-sam'a, ça veut dire quoi? Dalil as-sam'a, c'est le Qur'an et la sunnah. Dalil al-aql, le aql, le bon aql, bien sûr, la bonne raison, hein, celui qui est donc, qui est celui des sahabes, hein, ceux qui ont compris les textes comme il fallait. Le dalil du sam'a, le Qur'an et la sunnah, ainsi que le aql, prouve le contraire de cette justification. Pourquoi? Ils ont dit une pluralité divine. Ta'addud al-qudama. Tayyib. Ta'addud al-qudama. Et ça ressemble à quoi? Ça ressemble aussi à ceux qui ont dit Allah a thalithun thalatha. Fadda. Thalithun thalatha. Dieu est le troisième de trois. D'accord? Il fallait que, pour eux, ceux qui ont dit que Allah était une trinité, le troisième de trois, il fallait trois éléments pour dire que Dieu est Dieu. Vous avez compris? Et eux, pour eux, le falasifa, te dit, si tu attribues ces noms et ces attributs-là, hein, forcément, c'est comme si tu disais qu'il y avait plusieurs êtres en un. Vous avez compris, Inch'Allah? Une pluralité divine. Vous avez compris? Wahada batel. Ça, c'est un call batel. Pourquoi? Parce que même nous, on peut admettre qu'un être humain, il peut avoir plusieurs sifat. Il peut être bon, et en même temps mauvais, et en même temps karim, et en même temps ceci, et en même temps cela. L'être humain. Si on arrive à admettre ça, forcément on peut admettre que Allah subhanahu wa ta'ala est un être qui peut avoir plusieurs noms, plusieurs sifat. Min bab awla. Et le qiyas al-awlawi, ce qiyas, c'est le qiyas al-awlawi, c'est-à-dire l'analogie, mais par plus forte raison. Ça, on a le droit de l'utiliser avec, entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Si je dis par exemple, est-ce que parler, c'est un kamel chez l'insan? C'est un kamel. Sahalala, taïb. On dit c'est un kamel, c'est une perfection. Nous, on va dire, si l'insan, il parle, à plus forte raison qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Sahalala, vous avez compris? طيب الانسان lorsqu'il se marie et qu'il a une femme, des enfants, etc., est-ce que ça c'est un kamel pour lui? Oui, c'est un kamel, mais pour Allah non. Pourquoi? Parce que l'insan, il a besoin de ça, tandis qu'Allah n'a pas besoin de ça. Vous avez compris? Ce n'est pas un kamel pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris? Surtout que Allah subhanahu wa ta'ala la nafah, Allah subhanahu wa ta'ala c'est exalté de cela, Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Par les textes, et on sait très bien que Allah a dit Mattakhadha sahibatan wala walada. Il n'a ni une compagne, ni d'enfant, ni rien du tout. Lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufwan ahad. D'accord? Et qul huwallahu ahad. Prends ce verset-là. Qul huwallahu ahad. Dis Allah est unique. Ahad. Ahad fi madha? Fi asma'ihi. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc on ne va pas attribuer chaque kamel qu'al-insan, Chaque perfection qu'a l'insan, on va les admettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris? Mais si maintenant c'est un kamal chez l'insan, dans certains cas bien sûr, dans le cas où Allah subhanahu wa ta'ala ne le sait pas, Allah ne s'est pas exalté de cela, si c'est un kamal chez l'insan, à plus forte raison chez qui? Chez Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris? Si nous, voir, est-ce que c'est un kamal? Taïb, la preuve c'est que celui qui est ama, c'est un axe. C'est vrai ou c'est faux? Voir, c'est un kamal. Taïb. Et bien, minbab aoula, Allah subhanahu wa ta'ala voit. Il ne voit pas, il voit tout, Allah subhanahu wa ta'ala. Al-daqiq, al-kabir ou al-saghir. Femtoum, yekhwan. Donc, le qiyas al-aoula, on peut l'utiliser. L'analogie par quoi? Par plus forte raison, telle chose, à plus forte raison, telle chose, oui. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala s'est refusé cela. Vous avez compris ça, inshallah? Taïb. Wa nahnu naqoul hadha qawl batil ila akhiri. Taïb. Donc, hein, l'histoire de pluralité divine, ta'adudul qudama, ça, on ne l'accepte pas dans ce contexte. Pourquoi? Parce que hein, les textes le refusent, hein, et le refutent, et le aql également. D'accord? Taïb, ensuite, il dit, amma sam'a, et là, il commence à ramener les dalils. Amma sam'a, fali anna Allah ta'ala, wasafa nafsahu bi awsafin kathira, ma'a annahu l'wahidu l'ahad. فقال تعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى يعني كل الصفات والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. اقرأ هذا. La caducité, hein, la fausseté, hein, de ses propos. نعم. Ça ne va pas en contradiction. Il est l'unique et il a plusieurs descriptions. Plusieurs noms, plusieurs attributs. Ma fille, je calade. Et il le dit dans le Coran, regardez. Hein. La riposte de ton Seigneur est terrible. C'est lui qui a commencé et recommencera. Il est le pardonneur, le très affectueux, possédant le trône, l'illustre, faisant tout ce qu'il veut. Fa'alu lima yurid. Il fait ce qu'il veut, Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Et s'il fait ce qu'il veut, c'est qu'il a des descriptions, Allah subhanahu wa ta'ala, forcément. Naam. Il dit également, d'où le nom de ton Seigneur, le plus haut, celui qui a créé et qui a parfaitement tout agencé, celui qui a déterminé. Donc là, on a quoi? On a le khalaqa fasawwa. Allah yakhluq, ou yusawwi, Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhi qaddara fahada, yuqaddir, wa yahdi. Donc ça, c'est des awsaf. Taïb, continue. طيب يعني في pousser le pâturage فجعله غثاء احوى كما يقولون فجعله غثاء احوى سبحان الله donc Allah subhanahu wa ta'ala فعال لما يريد on le voit bien avec ces versets là qu'il est qualifié et qu'il a des attributs et des noms. Ensuite il dit dans ces nombreux versets figurent de nombreuses descriptions pour un seul et même être décrit. Les affirmer comme tel ne signifie absolument pas la description de plusieurs divinités. Subhanallah. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs divinités? Non. C'est wahid muttasif bisifat. Il est unique et il est muttasif bisifat. Adib, comment ils ont pu avoir ce aql là? Subhanallah. C'est pas un aql ça c'est pas un aql. Je répète, ça c'est pas un aql. Regardez, c'est quoi le. Wa amma al-aql, regardez. Wa amma al-aql, ça c'est le vrai aql. Tayyib, te dis. Et pourquoi on est obligé de ramener l'aql, les frères? Parce que eux, malheureusement, même lorsque tu leur ramènes les versets, yu'awiloun. Ils les interprètent de leur manière. Donc c'est pour ça que Cheikh, à chaque fois, il te ramène quoi? L'interprétation, même par le bon sens et par les preuves rationnelles. Vous avez compris, Inch'Allah. Il est obligé de te ramener ça. Pourquoi? Parce qu'il te prouve qu'il y a un vrai sens qui est prouvé par le aql sarih et qui admet ces versets aussi. Yani qui va dans le sens de ces versets-là. Ce qui prouve que le vrai aql, le aql sarih, le bon aql, le bon sens, la bonne raison, ne va jamais en contradiction avec quoi? Avec les textes. C'est ça qu'il veut te dire, Cheikh, ici. Vas-y, continue. طيب وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود وممكن أو ممكن الوجود وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. طيب نزيد تفضل. Suivez bien là. Hafon, relis un peu plus fort. Quant à la raison, les descriptions ne sont pas en elles-mêmes quelque chose de distinct. Par rapport à elles ne sont pas quelque chose de distinct. D'accord. Ça veut dire que les sifat ne sont pas quelque chose de distinct. Telle chose et telle chose et telle chose. Yani, fini. Ani le mansouf, mais nous mansouf. Fini. Vous avez compris cette fakhra là, qu'est-ce qu'il a dit, la shir, hein? Il te dit wa innama hiya min sifati man ittasafa biha fa hiya qa'imatun bihi, comme il dit fa hiya qa'imatun bihi, mais ce sont des descriptions de celui qui de ce qui est décrit faisant partie intégrante de celui-ci. Ils font partie intégrante de qui? De celui-ci. Allah subhanahu wa ta'ala, ils font partie intégrante. Si tu dis Rahman, Allah il est muttasif bir Rahman. Vous avez compris ça, Inch'Allah. Et ensuite, regardez, là, à partir de là, en vérité, c'est là la preuve rationnelle. Là, en vérité, tu peux mettre un point ici, ça, c'est la preuve rationnelle. Et ensuite, il te donne la règle concernant l'existence par preuve, on va dire, rationnelle. Qu'est-ce que l'existence? Qu'est-ce que l'existence, hein? Il va y avoir l'existence des créatures et du Créateur. Et là, il va le citer. Il y a nécessairement pour toute chose existante un certain nombre. Toute chose existante, naam. Un certain nombre de descriptions. Voilà. Les descriptions des choses, quoi, existantes. Et ça, faut bien les comprendre, les frères. Lorsque tu comprends cette description-là, des choses existantes, tu ne vas pas tomber dans l'erreur qu'ils ont faite. Bi'idnillah ta'ala. Regarde ce qu'il dit. Il dit la première. On va commencer par quoi? Al-Wujud. Kaunuhu wajib al-Wujud. Comment il a dit, l'existence nécessaire? Wajib al-Wujud. D'accord? Wajib al-Wujud, qu'est-ce que ça veut dire? L'existence, quoi? Nécessaire. Ils ont dit sur Allah que c'était l'existence, quoi? Nécessaire. Regardez comment ils ont fait. Alors, c'est pour ça que, là on va rentrer un petit peu encore dans Ilm al-Kalam. Wajib al-Wujud, ils ont dit, nous, pour dire qu'un Dieu existe, pour dire qu'il y a eu un être avant nous, on va faire ce qu'on appelle le procédé d'élimination. D'accord? La première des choses, c'est que on a été créé par le néant. Ça, c'est possible ou pas? Ça, c'est impossible. Donc, au moins, ils avaient ça, aqallah, les philosophes. Pas tous, d'ailleurs. Même ça, ils l'ont refuté, certains. Ils ont dit le néant, bref, le mohim. Il ne faut pas rentrer dans leur coufriette. Hein. Ils ont dit, voilà, est-ce que le néant est créé? Il ne crée pas. Vous me suivez jusqu'à maintenant? Donc, khalas, ça c'est éliminé. Ensuite, ils ont dit, est-ce qu'on s'est créé tout seul? Est-ce qu'on s'est fait tout seul? Impossible, ça. Il reste une seule possibilité, c'est quoi? C'est qu'il y a un créateur, c'est l'existence nécessaire à notre existence. Vous avez compris? Ça, c'est un terme philosophique. Wajib al-Wujud, c'est quoi? Pour eux, c'est Allah en vérité. l'existence nécessaire. Et il y en a, ils parlent de l'existence nécessaire et ils ne reconnaissent, même pas ils disent, on ne sait pas ce qu'il y a. Ils doutent encore. Ils disent, non, on ne sait pas, Allah. On ne sait pas c'est quoi. Ils disent, pas Allah, alam. Hein. Ils ne savent pas. Ils disent, il y a une chose, on cherche encore. Mais une fois, j'ai parlé avec un, je lui ai dit, le Big Bang, il m'a parlé. Il m'a dit, tu vois, il y a le Big Bang et tout ça, etc. Je lui ai dit, Tayyib, c'est qui a provoqué cette chose-là? Je suis d'accord, je te suis jusqu'à maintenant. Je lui dis, mais c'est qui a provoqué cette chose-là? Il dit, on ne sait pas, on cherche encore. Cherche jusqu'à la fin des temps, cherche. Jusqu'à qu'il y aura l'yom al-qiyama et tu seras ressuscité devant ton créateur. Allez, vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc c'est une évidence. Ça, l'existence nécessaire, wajib al-wujud, ça, cette existence-là, hein, elle est nécessaire à notre propre création. Et c'est pour ça que, je te dis ici, les différents types d'existence. La première, c'est quoi? C'est l'existence nécessaire. Mais c'est un terme philosophique pour dire qu'il existe un être avant, bien sûr, l'être humain qui est nous. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Taïb. Ensuite, il dit, « Aou mumkin al-wujud. » Puis, une existence existante par soi-même. Ou une description en quelque chose d'autre. Une existence? Ou puis une entité existante par soi-même. Ou une description en quelque chose d'autre. Mumkin al-wujud, c'est l'existence plus... comment on appelle ça? Non, l'existence, mumkin al-wujud, Yahwan, c'est, on va dire, l'existence possible. C'est plus ça, d'accord? Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, c'est plus l'existence possible. Et l'existence possible, c'est quoi? C'est nous, c'est l'être humain. Pourquoi on dit que c'est l'existence possible, l'être humain? Parce qu'il se peut que cet être humain existe, comme il se peut qu'il n'existe quoi? Qui n'existe pas. Vous avez compris ça? C'est possible qu'il existe et c'est possible qu'il n'existe pas. Vous avez compris? Est-ce que c'est nécessaire à la création du monde ou à ceci ou à cela? Non. D'accord? Allah, s'il avait voulu aussi, il n'aurait pas créé le soleil. Donc le soleil également, c'est une créature. Tout ce qui est création et créature, il est possible que ça existe comme il est possible que ça n'existe pas. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Taïb. Tandis que l'existence nécessaire, l'existence, ce qu'on appelle, enfin ce que eux ils disent, wajib al-wujud, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous avez compris ça, Inch'Allah? Pareil, ça c'est de la philosophie. Ou kawnuhu aynan qa'iman bi nafsihi, ou wasfan fi ghayrihi, c'est ça qu'il dit? Donc on a quoi? Pour l'oujoudiya, on a quoi? Wajib al-wujud, mumkin al-wujud, et le dernier c'est kawnuhu aynan qa'iman bi nafsihi. Te dit, ou alors, c'est quoi le dernier? Répète le dernier. Ou alors une description en quelque chose, quoi? En quelque chose d'autre. Une description, c'est une existence, mais quoi? Une description en quelque chose d'autre. Et cela, tu ne peux pas le réfuter avec quoi? Avec ton aql. Ça, c'est obligé. Ça, c'est obligé que ça existe. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc, soit la personne, na'am, a été créée du néant, soit c'est créé elle-même, soit c'est Allah qui l'a créée. Allah, c'est wajib al-wujud. Mais quand on dit wajib, Allah, c'est wajib al-wujud, il faut éviter, même ces termes philosophiques, il faut éviter d'utiliser ces mêmes termes-là. Nous, en fait, on se rabaisse, on va dire entre guillemets, à eux, afin de leur comprendre que quoi? Afin de faire comprendre aux gens que ces choses-là sont fausses. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Ces termes-là sont faux et que les vrais termes, c'est de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, Allah mawjoud, quand on dit Allah existe, là ça rentre dans quel? Ça rentre dans lequel des quatre? Bon, si vous avez compris. Les quatre là qu'on a dit dans Asma Allah kulluha husna. Déjà, est-ce que c'est un nom d'Allah mawjoud? Donc Abdel Mawjoud, c'est les Yajouz. Hein? Ah? Donc, hein? Ça rentre dans Athani, comme Mutakallim. Vous avez compris ça, Inch'Allah? À titre informatif, tu peux le dire. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Taïb. وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمان. قال الله تعالى عن منكر البحث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يريدون مرور الليالي والأيام. فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى. فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه. وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها، اسم فاعل مفعول. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. طيب vous allez comprendre l'intérêt maintenant de connaître cette règle-là, et il va en donnant un exemple. Oui. À partir de là, nous savons que Al-Jah, le temps, n'est pas un nom d'Allah, parce que c'est un nom indérivable. C'est un nom indérivable. C'est ça, Ism Jamed. Dans l'arabe, il y a l'Ism Jamed, un nom indérivable. Et il y a l'Ism Mushtaq. L'Ism Mushtaq, qui est sur lequel Yukhad Minhu Shay. Vous avez compris ? Par exemple, je dis Ar-Rahman. De Ar-Rahman, tu comprends quoi ? On peut dériver de cela, on peut sortir de cela quoi ? La Rahma. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Ar-Rahim, etc. Vous avez compris ? Tandis que l'Ism al-Jamid, l'Ism al-Jamid, c'est un nom, comme il l'appelait ? Indérivable. C'est un nom, tu peux pas, c'est comme si c'était un bloc, c'est comme si c'était une pierre. Est-ce que de pierre, tu peux sortir quelque chose ? Non, la pierre en elle-même. Tu dis une pierre. Est-ce que tu peux sortir quelque chose de ça ? Hein ? Tu peux sortir quelque chose, un sens. Le seul sens que tu as, c'est quoi ? C'est que c'est une entité à part entière qui veut dire la pierre qu'on connaît tous. D'accord ? C'est vrai ou c'est faux ? Taï, un généreux. Tu peux sortir quelque chose de cela ? La générosité. Fahimtou Mirwan ? Fahimtou ? Ism al-Jamid, c'est quoi ? C'est un nom indérivable. Fahim tu m'écoutes ? Taïb, ensuite il dit La yatadamman. Parce que c'est un nom indérivable qui ne contient pas de sens, il pourrait les gens prononcent par prononcent. Aïe, on revient à quelle règle ? Hein ? La première, Asma Allah kulluha husna. Donc, ad-dar qui veut dire le temps et qui est un nom indérivable. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas sortir un sens de ce nom-là. Est-ce que ad-dar c'est un nom d'Allah ? Est-ce que Adda c'est un nom d'Allah ? Là. Hein, il dit, La yatadhamanu ma'na yulhiquhu. Il dit, Laysa min asma'illah Adda'ar. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Vous avez compris maintenant l'intérêt de connaître c'est quoi Asma'Allah kulluha husna ? Fahimtum l'an ? Taïb, il dit, La yatadhamanu ma'na yulhiquhu bil asma'il husna. Il n'y a aucun ma'na. Est-ce que tu peux sortir un sens de Adda'ar ? Rien. Le temps, tu vas sortir quoi comme sens ? Walou. Tu sais que c'est le temps, c'est tout. Pas plus. Fahimtum ? Taïb. ولأنه voilà c'est ça que c'est, à la rigueur si tu veux dire qu'est-ce que dahr c'est quoi c'est ce sens là al waqt wa zaman la période la chronologie le temps c'est tout pas plus mais est-ce que tu vas sortir un vrai sens hein mutaaddi transitif hein, vers quelque chose d'autre non vous avez compris Et seul le temps nous fait périr. Donc, pour eux, le temps, c'était eux, c'était ça le ilah, on va dire. C'était ça le Dieu. Pour eux, c'était ça. Aujourd'hui, t'entends mère nature, t'entends un petit peu de tout, hein, tu vois. Mais eux disaient dahar, c'est le temps. Le temps, il va nous faire mourir. On vit et on meurt, mais c'est le temps. C'est ce qu'on appelle ad-dahriya. Et ça, c'était une partie des Arabes qui disaient ça. Donc, ce n'était pas tous les Arabes qui admettaient qu'il y avait un créateur. La preuve, c'est qu'il y avait aussi des Arabes qui étaient quoi? Qui n'admettaient pas tawhid al-rububiyya. Et ceux-là, c'était qui? C'était les ad-dahriya. D'accord? Allah les a cités dans le Coran. Ils sont une infime partie, c'est vrai, mais ils existaient. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a cités dans le Coran afin qu'on tire des leçons de cela et qu'on se dise qu'il y avait quand même des Arabes qui refutaient Ar-Rububiyya. Vous avez compris? Taïb. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, on entend beaucoup de Dahriya. Tu dis, oh, on va vivre, on va mourir, et puis c'est tout. Akhlas. C'est le temps, il va passer, puis c'est tout. Khalas. Allah musta'an. Al-Dahriya. Hein? Naam. Allah a dit, le fils d'Adam m'a offensé. Il insulte le temps, entre parenthèses chronologiques, et moi, je suis le temps. Son cas est dans ma main, j'alterne la nuit et le jour. Taïb, regardez. Là, Allah a dit, je suis le temps. Est-ce que c'est son nom? On a dit non. La fin du hadith explique que ce n'est pas son nom. Explique que lorsqu'il a voulu dire Allah subhanahu wa ta'ala, je suis le temps, ça voulait simplement dire que il fait suivre le jour de la nuit. C'est tout, c'est ça que ça veut dire. Regardez, Allah lui-même l'a expliqué, ce qu'il a voulu dire, par le terme le temps. Mais il n'a jamais voulu dire que c'était son nom. Vous avez compris? Donc toi, tu n'as pas le droit d'insulter le temps par rapport à quoi? Par rapport au fait que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait. Hein, c'est lui qui fait le temps, qui va alterner le temps. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Tu n'as pas le droit. Par exemple, de dire les vacances, utla. Ça, c'est une erreur. Utla, ça veut dire quoi? Utla, ça veut dire quelque chose de négatif. C'est comme si tu attales le temps. Vous avez compris? Utla, c'est. En arabe, c'est plus, ça a plus le sens de la négation. De la vie, du temps. C'est ça que ça veut dire. C'est comme si on disait, on est dans un handicap. Utla, si tu prends le terme comme ça, on est dans un handicap de temps. Vous avez compris? Alors, utla, ça vient de ta'til. On a vu tout à l'heure ta'til, qu'est-ce que ça voulait dire. Et les vacances, eux, ils disent beaucoup, les arabes, ils disent utla, nahnu fi utla. Les ulama, ils ont dit non, ça rentre dans quoi? Sab al-dahr. Parce qu'il n'y a pas de utla. C'est vous qui l'avez appelé utla, vacances, et c'est vous qui avez dit que. Vous avez enlevé le sens du temps à ce moment-là en disant, en l'appelant utla, qui serait traduit par handicap ou le fait de fermer le ou boucher le temps à ce moment-là. Non, Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne dois pas insulter le temps chronologiquement, comme les vacances ou par ce terme-là là, qu'ils utilisent, utla. Ou alors, tu ne dois pas aussi insulter le temps, la pluie, le beau temps, ça aussi tu n'as pas le droit. D'accord, la pluie, le beau temps, ah, il fait trop froid, il fait trop chaud. Mais lorsque tu dis il fait trop froid, il fait trop chaud, ou il fait froid, il fait chaud, tu as le droit de le dire à titre informatif. Mais tu n'as pas le droit de le dire en quoi? Par plainte, par le fait que tu te plains. Tu as le droit de dire il fait chaud. Ah, il fait chaud. Mais tu ne le dis pas, hein, il fait chaud et tu te plains de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qaddar. Vous avez compris ça, Inch'Allah? La baisse, parce qu'il y a eu des razawats avec les sahaba où il y avait des hadiths et disent, et ce jour-là, il faisait très chaud. Est-ce qu'ils ont insulté le temps en faisant ça? Hacham, sahaba là. Mais à titre informatif, tu peux le dire. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Ala la bouddha minhum. Taïb, donc, Ad-Dahr, est-ce que c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith, il y a l'explication. Dans le hadith, il y a l'explication. Uqallibu al-layla wa al-nahar. Fala yadul, fadal, continue. Rien n'est précise dans quoi? Dans le hadith, rien ne le précise. D'accord. Cela dit, ceux qui insultent le dahr, leur intention est d'insulter le temps chronologique, réceptacle des événements. Ce n'est pas Allah qui l'est. Le sens de la proposition, et moi je suis le dahr, est explicité. C'est-à-dire dans le hadith, hein. Et moi je suis le dahr, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Explicité par la proposition suivante, son sens est dans ma main, j'alterne la nuit et le jour. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on n'a pas le droit d'insulter quoi? Ad-Dahr. Vous avez compris? C'est dans ce sens-là qu'on n'a pas le droit d'insulter Ad-Dahr. C'est dans le sens chronologique. Tu n'as pas le droit d'insulter la nuit, ni le jour, etc. Mais ça ne veut pas dire que Dahr, c'est un de ces noms. Naam. Alors celui qui, regardez, la yumkinu an yakun al-muqallib, celui qui alterne, celui qui fait alterner, ne peut pas être lui-même l'alterné. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Lui ne peut pas être l'alterné, vous avez compris ça, Inch'Allah? Taïb. Al-muqallib, c'est ism fa'il. Fa'il, l'acteur. Wa al-muqallab, c'est quoi? Bil-fath, c'est maf'oul. Vous avez compris? Donc il ne peut pas être le fa'il et le maf'oul. Fahimtum hada? Vous avez compris? Donc ici, il est le fa'il plutôt. C'est lui qui yuqallib al-layl wal-nahar. D'accord? Mais il n'est pas le maf'oul. Hacha lillah azza wa jal. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Taïb. Rabbi hada. Et ensuite? Qu'est-ce? Voilà. Taïb. Ça ne peut pas conserver, ça ne peut pas concerner Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Hazm, l'Andalousie, lui il a dit que c'était un des noms d'Allah, Ad-Dahr. Et il s'est trompé dans ça, Ibn Hazm. Il s'est trompé. Ibn Hazm, il faut savoir une chose, c'est que dans les Asma Sifat, il était Jahmi. Et ça c'est Abdel Hadi, un des élèves de Cheikh l'Islam, qui l'avait bien signé, il avait bien indiqué cela. Et Ibn Hazm, il avait des erreurs dans les Asma Wassifat. D'accord. Il y a même certains savants qui ont dit Ibn Hazm, là où il a été dur, c'est dans quoi? C'est dans le fiqh. Il était dur, lui, dans le fiqh. Il prenait un hadith, il prenait dans son sens littéral. Khalas. Le hadith, il dit ça. Khalas. Il ne lui donnait pas d'interprétation, il n'allait pas chercher à droite ou à gauche. Il disait, s'il a dit ça, il a dit ça. Khalas. Le professeur Samad dit ça. Ça. C'est bien dans le sens où il y a un ta'zim du nas. Il y a le fait qu'il a un respect du texte. Ça, c'est vrai. Ça, c'est bien. À la base, c'est ça qu'il faut avoir. C'est qu'on doit tout faire pour ne pas sortir du texte. D'accord? Et si maintenant on a des preuves qui prouvent que ce texte-là et cette obligation, par exemple, est allégée et qu'elle va de l'obligation vers l'istihbab par un autre texte, d'accord? Mais ça, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à avoir un jugement final sur une question juridique, mas'ala fiqhiyya. Fahimtum hada? Donc lui, quand il voyait les textes dans le fiqh, il était intransigeant. Ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Par exemple, je vais vous donner un exemple qui est un petit peu choquant. C'est qu'Ibn Hazm, il voyait que tu avais le droit de tout voir sur la femme avant de te marier. Parce qu'il dit « فَلْيَنْضُرْ إِلَى مَا » qu'il regarde ce qu'il aime dans la femme. Ils ont dit ce qu'il aime, c'est ma ici, c'est isma au sol. Isma au sol, il fait de l'umoum. Donc il a le droit de l'avoir. Vous avez compris, Inch'Allah. Lui, il prenait ce. Il disait, khalas, le texte, il dit ça. J'ai le droit. Et celui qui me dit le contraire, qui me ramène le délit. Vous avez compris? Vous avez compris? Il prenait les textes vraiment comme ça dans son. Et ça, ça, tu peux pas dire ça. La femme, l'ifa, etc. On regarde, les sahaba n'ont jamais fait ça, ni le prophète. Donc il était intransigeant sur les textes. Par exemple, il va y avoir un texte qui dit ne pas. Comment dirais-je? La yaboulu ahadukum filma iddaim illadhi la yajri thumma. J'essaie de retrouver des exemples qu'il a donné. Il y a plein d'exemples, mais j'essaie d'en trouver un, mais vraiment un concret. Celui-là, par exemple, il est concret. À la kulli hal, on a plein d'exemples avec Ibn Hazm, où il était intransigeant sur quoi? Sur la non-interprétation des textes. D'ailleurs, les fuqaha, eux, ils n'interprétaient pas les textes. Les fuqaha, ils regardaient tous les textes et à la fin, ils donnaient un jugement final. D'accord? Et il n'était pas intransigeant comme Ibn Hazm. Ibn Hazm lui prenait le texte, khalas. Il n'y avait pas de trieste. Par exemple, on voit la majorité des savants voient qu'il y a la zakat dans les transactions commerciales. D'accord? Ils disent qu'il y a la zakat dans les transactions commerciales, d'accord? Parce que il y a un qiyas. خذ من أموالهم إيش صدقة تطهرهم. D'accord? Ils prennent le qiyas, ils prennent l'analogie. Ils disent, le professeur Salim, s'il nous a demandé dans le zabib, c'est-à-dire dans les raisins secs ou dans les dattes ou dans telle chose et telle chose et telle chose, s'il nous a demandé une zakat ici, à plus forte raison dans le commerce. Dans les transactions commerciales, afwan. Ibn Hazm dit non. Ibn Hazm dit, ben, si le prophète alayhi salatu wassalam nous a indiqué les asnaf de zakat, hein, d'accord, et nous a défini, ce n'est pas pour que vous nous ramenez ce qu'on appelle le qiyas. Il dit, allez, à son époque, il y avait quoi? Au prophète alayhi salatu wassalam, il y avait le commerce. Vous avez compris? Il dit, il y avait le commerce, mais pourtant, on n'a pas un hadith qui nous montre, d'ailleurs, comment faire la zakat des transactions commerciales. Donc si on n'a pas de hadith comme ça, il n'y a pas de qiyas. On reste sur le asl. Le asl c'est quoi? C'est que le mal du muslim, l'argent du musulman, il est haram, il est sacré. Et on va prendre le mal qu'avec un texte. On va prendre le mal du muslim qu'avec un texte. On ne va jamais le prendre avec quoi? Avec un qiyas, avec une déduction, une analogie. Vous avez compris? Donc Ibn Hazm, il est intransigeant sur cela. Et d'ailleurs, il a écrit un livre contre le qiyas. Vous avez compris? Il a écrit un quoi? Un livre contre le qiyas. Il a dit, il n'y a pas d'analogie, il n'y a pas de qiyas, ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas dans le din. Taïb, ensuite, ils ont répondu par plusieurs réponses. Hein, et à l'époque, il y avait vraiment une guerre entre lui et les savants de son époque. Il était intransigeant dans quoi? Dans le fiqh, comme on l'a dit. Et le ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit? Par contre, dans les asma ou sifat, il avait du djahmisme. Hein? Il admettait des noms. Par exemple, lui, il dit qu'il n'y a que 99 noms, il n'y a pas plus. Ça, on va le voir, Inch'Allah, on va l'avoir dans une règle comme quoi il y a plus que 99. Mais lui, il disait qu'il n'y a que 99. Celui qui dit qu'il y a plus de 99, il a dit faux. Vous avez compris? Il était intransigeant. Il prenait les textes. Et par contre, quand il fallait... Hein, prendre le vrai sens des asma et des sifat, lui, qu'est-ce qu'il fait? Là, il est rentré dans le djihadisme. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il était influencé par, on va dire, le contexte dans lequel il était, dans l'endroit dans lequel il était, c'était en Andalousie. Et en Andalousie, il y avait la philosophie qui était rentrée là-bas. Ça, faut le savoir, surtout à Cordoue, etc. Fait Cordoba, on appelle Cordoue Cordoba, il était influencé par les traductions des livres de philosophie. Lui a été influencé par ça. Et il est rentré dans le djihadisme. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les ulama? Ils ont dit, ça aurait été mieux que tu sois intransigeant dans les asma ou les sifat que dans le fiqh. Vous avez compris? Hein? Rahmatullah alayh. Taïb. Donc voilà, hein, Ibn Hazm lui dit que Ad-Dahr, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, il s'est trompé. Il dit, Cheikh Al-Uthaymeen, wa hadha khilaf l'Ibn Hazm wa ba'd al-ulama alladhina qalu bi anna ad-dahr min asma'illah. Ça, bien sûr, c'est une erreur. طيب. Wa nahnu naqul bi anna ad-dahr laysa min asma'illah li anna ad-dahr ismun jamid. Al-muhim, Cheikh Al-Uthaymeen s'y répète ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, Cheikh Al-Uthaymeen dit dans son livre, il dit, ce livre-là n'a pas besoin d'une grande explication. Il a besoin d'annotations et d'éclaircissements sur certains sujets. C'est tout. Le livre, il est clair. Tu apprends la règle et tu apprends la chose qui est dite dans cette règle-là. Et khalas, yakfik hada. Avec le dalil de la règle. Hada yakfik. Et lui, il rajoute des petites ta'liqat. Il dit, ana ma yahtaji la sharh kabir. Il te dit ensuite, shir, il dit, c'est pour ça qu'il est interdit de dire, ya dahru irhamni. على هذا فلا يجوز ان يقول قائل يا الدهر احرم autant pardonne-moi. Est-ce que tu peux dire autant pardonne-moi? Tu peux pas dire chronologie autant pardonne-moi. Tu peux dire ça là, parce que le temps il ne pardonne pas. Donc c'est forcément le fait que c'est un nom indérivable, khalas, tu ne peux pas le mettre parmi les noms. À titre informatif, tu peux. Voilà, si vous avez compris la règle. Non, bien sûr, parce que c'est pas un nom d'Allah. Vous avez compris? C'est pas au nom d'Allah. Nous, ce qui est interdit, c'est d'insulter le temps. Vous avez compris? Et celui qui fait altérer le temps. Vous avez compris, ça, Inch'Allah? C'est ça qui nous interdit. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ana dar, c'est dans ce sens-là. Il a expliqué uqallibu al-layla wa an-nahar. Vous avez compris? Souvent dans le texte, il y a la réponse. Dans le même texte, il y a la réponse. Par exemple, si tu prends fawailu lil musallin, tu le prends tout seul. Malheur au prieur. C'est contradictoire ou pas? Si tu es un prieur, c'est contradictoire, ça. Fawailu alladhina hum an salatihim sahun. Des fois, la phrase qui est après, hein, la parole qui est après, montre et explique la chose. Et là, c'est la même chose. Anadar, qu'est-ce que ça veut dire? Uqallibu al-layla wa an-nahar. Si demain, toi, tu insultes celui, yuqallibu al-layla wa an-nahar, hada la yajouz. D'accord? Vous avez compris ça, Inch'Allah? Eh, tfaddal. Tfaddal. Bon, khala, ça, c'est pour la première qa'ida. Vous l'avez compris?